alors nous, on se fait casse comme les directeurs, on se fait casse comme le conseil d'administration, on peut juste discuter avec lui. On ne laissera pas le directeur général supprimer 200 postes aujourd'hui. Dans 5 à 10 minutes, le président du conseil d'administration que vous souhaitez rencontrer, les administrateurs que vous souhaitez rencontrer vont arriver. Donc ça ne sert à rien de se bousculer. Là, on attend gentiment, et quand ils vont arriver, vous aurez le temps largement d'être reçu et de vous exprimer. Le conseil d'administration ne se calmera pas tranquillement. Si vous voulez un conseil calme, c'est raté. Il ne fallait pas proposer la suppression des emplois. Le diktat de notre direction générale et voter ces 200 suppressions d'emplois avec qui, par la suite, mettront en danger l'établissement, l'hôpital public, où on ne pourra plus soigner correctement dans nos établissements, où il n'y aura plus de lits, où la situation comptable l'emporte sur la capacité, les possibilités de soins. La santé n'est pas une banque, nous ne sommes pas des billets verts. Il faut du personnel pour soigner, il faut des établissements corrects, mais il faut également surtout du personnel.